Je veux que tu me dises c'est vrai que je me fais des films. Je veux que tu me dises que je suis vraiment la seule fille. Et je veux pas faire la meuf folle, mais c'est toujours un choc quand je rêve que vous prenez des selfies. Quand je suis pas là, je me mets devant toi, comme ça on s'explique. Faut que tu me dises si tu veux changer d'équipe. Et non, t'es pas comme au début, tes mots doux, j'en ai plus. À mon contact, on dirait que tu fais ce qui. Je t'ai déjà dit, c'est pas moi qui cours. S'il y a des non-dits, je me casse. Je préfère rester solo que passer ma vie dans les clashs. Y'a que si t'es fidèle que ça vaut le coup de me battre. J'ai mis un pied dans cet appart et mon cœur dans le plâtre. Donne-moi ton tel, je regarde les messages que t'effaces. Et je suis pas folle, ouais, y'a cette odeur sur tes sacs qui me brûle. Toi, quand t'es pas bien, tu gesticules. Si tu dis que je suis folle, circule. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus que tu m'aimes. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus que tu m'aimes. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel. C'est pas vrai, c'est pas elle, non, j'hallucine. La meuf d'à côté, c'était pas ta cousine. Tes photos, jacuzzi, c'est ma fille que tu bousilles. Mon cerveau a raison, mon cœur fait des loupés. Mes loups se connectent à mon instinct. Pour partir, il me faut juste un instant. Je te bloque de partout, même sur Insta. Je veux plus jamais te voir, t'es instable. Tu me rajoutes des problèmes, donc dans ma vie t'as plus ta place. Je préfère rester solo qu'avoir un mec qui fait la tasse. T'es pas du tout fidèle, donc moi j'ai fini de me battre. Je vais sortir de cet appart, tu vas rester dans le bat. Je te rends ton tel vu que je sais à qui tu parles. Mon cœur a fini par sortir de ce plâtre. Et je suis pas folle, tu peux plus me mentir. J'ai assez supporté, je me tire. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus que tu m'aimes. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus que tu m'aimes. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus que tu m'aimes. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel. Vas-y, dis-moi toi, mais me dis plus. Je te sentais pas dans le mood, je suis restée dans le flou au bout du tunnel.